Alors, de retour à Futur Simple, vous écoutez, Futur Simple au 89.1 et on va poursuivre avec une revue de l'actualité scientifique préparée par Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour François. Alors, on va parler d'un projet européen sur la sécurité alimentaire des OGM. Oui, c'est sûrement un sujet d'ailleurs qui doit tracasser pas mal de monde. Il y a souvent des gens qui se posent la question, est-ce que c'est bon ou pas de manger des OGM ou du moins de manger des aliments préparés à partir d'OGM? Alors, en fait, on peut se poser la question parce qu'il y a quand même plus d'un milliard d'hectares d'organismes génétiquement modifiés qui sont plantés à travers la planète depuis la première culture. La première culture OGM avait lieu en 1996, donc ça fait plus de 15 ans. Il y a peu d'OGM qui sont cultivés en Europe, cependant, c'est principalement, on va dire, en Amérique du Nord et en Amérique latine également, puis en Asie. Et c'est un projet européen, ça vaut quand même le coup de le signaler. Donc il y a peu d'OGM qui sont cultivés en Europe, mais en fait les Européens s'intéressent quand même à cet aspect de la sécurité alimentaire des OGM, c'est parce qu'ils importent eux-mêmes de la farine de soya GM, génétiquement modifiée, pour l'alimentation animale, et ils importent aussi éventuellement du maïs transgénique. Et en fait, des ingrédients issus d'OGM peuvent se retrouver dans la chaîne de l'industrie agroalimentaire. Donc, même s'il n'y a pas directement d'OGM cultivé en sol européen, on peut retrouver des ingrédients issus d'OGM à travers la chaîne de l'alimentation et dans l'alimentation du bétail. Alors, généralement, quand même, quand il y a des aliments issus d'OGM qui sont mis en marché, il y a des études, il y a des tests aux États-Unis, c'est la FDA, je crois, qui s'en occupe. Ça. La Food and Drug Administration. C'est ça. Et également... Canada, sur le test Santé Canada, j'ai mis là. Oui, c'est Santé Canada, exactement, c'est Santé Canada, et aussi l'inspection, la CIA, pour ce qui est de l'importation des OGM et la culture, et Santé Canada pour ce qui est de l'introduction de ces OGM dans la chaîne alimentaire. Et puis, bon, il y a des tests. Bon, c'est pas Santé Canada qui fait les tests. On demande aux fabricants de faire des tests pour vérifier l'innocuité de différentes façons, allergénicité, toxicité, etc. Ça manque un peu de crédibilité, ça, non? Il y en a qui jugent, en fait. Je sais pas trop parce que quand on est parti. Oui, mais c'est un petit peu tout le temps comme ça finalement. Ouais. Tu sais, quand on achète une voiture, c'est pas Industrie Canada qui vérifie si les freins freinent bien ou si les sacs gonflables vont s'ouvrir en temps. C'est le constructeur qui fait ces tests-là. La même chose pour les micro-ondes ou n'importe quoi. Donc là, je ne sais pas effectivement si c'est normal que ce soit Monsanto ou BASF ou d'autres fabricants d'OGM qui fassent leurs propres tests. C'est peut-être la pratique générale dans l'industrie. C'est la même chose pour les pesticides aussi. Ce sont les fabricants qui font les tests toxico. C'est ça, exactement. Sur des normes qui sont données par le gouvernement. Maintenant, reste à savoir si ces normes sont suffisantes ou pas. C'est un autre domaine. Mais quand on regarde, en tout cas, ces évaluations, c'est quand même, elles sont quand même assez complexes. Mais c'est vrai qu'il faut croire en ce que font les industries. En tout cas, il y a quand même donc des tests pour vérifier l'innocuité des OGM avant de les mettre en marché. Et c'est vrai pour les OGM, mais aussi pour tout ce qu'on appelle les aliments nouveaux, donc ceux qui sont issus de mutations ou d'autres procédés industriels. Mais par contre, il n'y a pas grand-chose de fait une fois que ces aliments sont mis en marché pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas des conséquences néfastes, nutritionnelles ou sanitaires pour les consommateurs. Donc on fait ces tests de toxicité, d'allergénicité, etc. avant la mise au marché, mais une fois que c'est lancé dans le marché, on fait plus de suivi. Il n'y a pas vraiment de suivi de fait. Donc... il y a des chercheurs européens qui ont lancé un projet. Ça s'appelle le projet GMSA Food, GMSA Food, je ne sais pas exactement comment ils le prononcent, pour faire un suivi des conséquences de la consommation des OGM après leur mise en marché. Donc c'est intéressant que ce soit des Européens qui fassent cette étude, eux qui sont pourtant bien moins exposés aux OGM que nous autres Nord-Américains. Et qu'est-ce que ça signifie à ton avis? Est-ce que c'est parce que les Américains manquent un peu de responsabilité par rapport à... ce qui se passe ici Je ne sais pas trop. C'est sûr que les Européens sont beaucoup plus critiques par rapport aux OGM que les Nord-Américains. C'est un projet qui est financé, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui est financé par l'Union européenne elle-même. peut-être que nos gouvernements n'ont pas envie de financer ce, ce genre de projet, mais on peut dire que d'un point de vue environnemental en général, les Européens sont un peu plus critiques et vont un peu plus de l'avant même pour la mise en place. Bon, c'est pas même quand on pense simplement à Kyoto, ils n'ont pas mis de bâton dans les roues. Et s'il y en a qui arrivent à Athènes à atteindre les objectifs du protocole, ça va être les Européens. Donc d'un point de vue environnemental, bon, puis aussi bon, pour tout ce qui est un petit peu les biotechnologies, la crainte par rapport aux biotechnologies, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus proactifs qu'en continent nord-américain. Donc c'est un projet européen qui regroupe des chercheurs autrichiens, norvégiens, irlandais, turcs, hongrois. Puis aussi, il y a des Australiens qui se sont insérés dans ce groupe de recherche. Et une partie des résultats a été dévoilée en mars dernier lors d'une conférence à Vienne. Donc c'est quand même relativement frais. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années. Mais bon, les résultats sortent progressivement et certains ont été dévoilés en mars dernier. Et qu'est-ce qu'elle dit, ces résultats? En fait, est-ce qu'on peut manger des OGM sans crainte? Alors, d'abord, quelques précisions sur le projet. L'idée, c'est d'identifier des marqueurs qui permettraient de faire un suivi des conséquences, comme je le disais, des conséquences sanitaires ou nutritionnelles à long terme de la consommation d'OGM. Et pour trouver ces marqueurs, eh bien, d'abord, les chercheurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait des études sur les animaux. Donc, on passe toujours par une phase, on est tous dit ce qui se passe sur les animaux avant de voir ce qui se passe chez nous. Donc, les animaux en question, c'était des souris, des cochons, des saumons aussi, je crois. Donc, là, ils ont comparé des animaux nourris aux OGM et des animaux nourris avec des aliments conventionnels non OGM. Et les chercheurs donc recherchent des effets sur la santé. Donc, c'est des études qui durent, dans les études, les tests d'évaluation, c'est 90 jours pour les tests de toxicité ou d'inocuité. Ouais, c'est assez court. Okay. Donc là, ils sont étendus à 3 ans. Donc, ils recherchent des effets sur la santé pour déduire des marqueurs, donc des conséquences de la santé qui seraient caractéristiques d'une alimentation aux OGM. Et ensuite, l'idée, c'est d'appliquer ces mêmes marqueurs, de voir si on les retrouve dans les consommateurs, dans la population humaine. Donc, il y a eu plusieurs études sur le sujet, les Irlandais, les Autrichiens, tout le monde a travaillé un petit peu dessus, les Norvégiens. Et l'une de ces études a consisté à nourrir pendant 3 ans des souris avec des pois transgéniques. Et chez ce pois transgénique, on a introduit le gène AAI. Donc, qu'est-ce qui fait ce gène? En fait, il fait en sorte que l'enzyme alpha-amylase est inhibée. Bon, c'est un peu technique, mais ça veut simplement dire que c'est un pois qui résiste à certains insectes. En fait, les insectes n'ont pas envie de manger ce pois. Donc, alors, pourquoi cet OGM a été choisi, ce pois AAI? Ben, c'est parce qu'il y avait des études précédentes qui avaient été faites avant la mise en marché, qui montraient que ces pois déclenchaient des réactions allergènes chez les souris. Donc, ça avait mis fin au développement de ce pois transgénique, ce qui montre que quand même, des fois, les études, les tests pré-mise en marché, ça sert quand même à quelque chose. Donc, comme ce pois avait montré des effets néfastes au niveau de la réaction allergène chez les souris, bah, c'était un bon candidat pour voir s'il ne pouvait pas induire aussi d'autres effets néfastes sur la santé. Et donc, les chercheurs ont nourri les souris avec ce même pois transgénique en suivant exactement le même protocole. Donc, c'était la même sorte de souris, c'était les mêmes pois AAI. Pour voir si à nouveau ils obtenaient cet effet-là et pour éventuellement détecter d'autres effets négatifs de l'alimentation avec cet OGM. Puis en plus à leur expérience, ils ont ajouté des contrôles, c'est-à-dire que en parallèle, ils ont nourri des groupes de souris contrôles qui étaient nourris avec des pois non transgéniques ou alors d'autres pois ou haricots non transgéniques qui avaient eux naturellement ce même gène AAI. Parce qu'en fait, les chercheurs n'ont pas inventé de toute pièce le gène AAI. Il existait déjà dans la nature, en particulier chez un haricot qui s'appelle le haricot tender green. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient prélevé le gène AAI de ce haricot tender green. Ils l'ont introduit dans le pois, qui est donc devenu le pois transgénique AAI. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, en fait? Est-ce qu'ils ont vu des différences? Eh bien non, ils n'ont pas vu de différence. Ils n'ont pas retrouvé l'effet qui avait été observé lors d'une première publication sur des tests préliminaires. Donc, les chercheurs ont bien... En fait, les chercheurs ont bien observé la réaction allergène qui avait déjà été observée, sauf que quand ils ont comparé là avec les souris contrôles qui avaient été nourries avec les pois non AAI. Les mêmes pois mais non AAI, c'est ça. Donc le pois non transgénique ou alors le haricot tender green qui avait le AAI ou un autre pois aussi, finalement ils avaient tous la même réaction allergène. Donc on ne pouvait pas attribuer cette réaction allergène au gène AAI ni à l'effet au processus de transgénèse, c'est ça. Exactement. Donc il y a aussi une autre équipe en Irlande qui a aussi nourri des cochons avec ces mêmes pois AAI en suivant un autre protocole expérimental, mais qui n'ont pas non plus observé d'effet de l'OGM sur la santé des cochons. Et puis, il y a eu aussi des études sur des cochons nourris avec du maïs BT, des saumons. Et alors même, ça c'est quand même assez intéressant, il y a eu des études avec des rats qui étaient nourris non pas par une plante transgénique, mais avec de la viande de saumon ou de la viande de porc qui eux-mêmes avaient été nourris avec des OGM. Donc ça, c'est une question que souvent on se pose. Oui, mais si la plante a été, si l'animal, si le bœuf a été nourri avec des OGM, le bœuf, lui, il n'est peut-être pas transgénique, mais il a mangé des OGM, est-ce que ça a un impact sur ma santé? Donc là, ils ont fait un peu la même chose, mais en nourrissant ils ont nourri des rats. Avec du saumon ou du porc qui avaient eux-mêmes mangé des OGM. Et ils n'ont pas observé d'effet suite à ce régime. Donc pour l'instant, le consortium de recherche est toujours en quête de marqueurs, des conséquences sur la santé de l'alimentation avec des OGM. Alors quand on lit des résultats comme ça, est-ce qu'on peut se demander qui finance la recherche en fait? Est-ce que c'est Monsanto ou un autre fabricant d'OGM qui est derrière? Figure-toi que je me suis posé cette question-là, je me disais c'est bien trop beau là, ils cherchent des marqueurs, ils cherchent des effets négatifs, puis ils n'en trouvent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est louche. C'est ça. Donc je suis allée sur le site du projet, et on lit que le projet est financé par l'Union européenne. Bon, je me suis dit, il y a peut-être d'autres choses, c'est peut-être pas le seul organisme subventionnaire. Donc, j'ai voulu aller voir quelques articles scientifiques pour voir plus précisément si à l'intérieur de chaque étude, il n'y avait pas d'autres sources de fonds. Donc, malheureusement, j'ai pu accéder qu'à un seul article parce que, bon, les revues scientifiques, c'est comme toutes les revues, hein. Faut y a un abonnement, c'est payé, puis c'est payant, puis je suis évidemment pas abonné à la multitude de revues scientifiques. Mais heureusement, il y a des revues à accès libre, de même qu'il y a des logiciels à accès libre, il y a des revues scientifiques à accès libre, dont, par exemple, PLOS ONE. Et l'un des articles est justement publié par PLOS ONE. Donc, j'ai trouvé cet article et je suis allé voir le financement et j'ai vu que, outre le financement de l'Union européenne, le seul autre financement, c'était un financement du gouvernement irlandais. Pas de financement privé. Donc, j'ai pas pu approfondir mon enquête sur le financement de cette étude. Donc, on va dire que pour l'instant, je vais l'y croire. L'enquête doit s'arrêter là. L'enquête s'arrête là. Mais par contre, le projet se poursuit parce que eux, ils continuent. Donc, les chercheurs de ce projet-là continue de chercher des marqueurs de l'effet de la santé, de l'effet de l'alimentation d'OGM sur notre santé. Et alors, est-ce que tu as une adresse à nous dire, en fait, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur le sujet? Oui, c'est ça. En fait, il y a un site, donc on peut trouver de l'information, on peut même trouver les articles, il y en a qui pourront peut-être accéder aux articles scientifiques. Donc c'est le www.gmsaf.org. OOD, donc Food Project, .eu, pour Europe, donc www.gmsafoodproject.eu. On pourrait aussi mettre le site sur la page Facebook de Futur Simple, ce sera peut-être plus simple pour trouver. Voilà. Alors, merci beaucoup Valérie. On va faire une pause musicale, après quoi il va y avoir une pause publicitaire et on va revenir après.